Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le poète Pierre Reverdy disait ceci au sujet de Matisse. Matisse me semble un nom massif, un nom de poids qui indiquerait plutôt que celui qui le porte se manifestera dans la vie par ses actes pour donner aux choses entreprises la plus grande densité. Et en effet, ce peintre qui pouvait sembler retiré du cours de l'histoire a peut-être tout simplement apporté cette beauté et cette sérénité qui n'est pas faite de déclarations tonitruantes, mais dont le monde a profondément besoin. Dans notre dernier épisode de cette série de 4, nous serons en compagnie du critique d'art et conservateur Xavier Girard qui nous parlera de la Côte d'Azur de Matisse, mais également de ses dessins et de ses sculptures. L'épisode 3, lui, consistera en une visite de l'exposition Matisse comme un roman au musée d'art moderne du Centre Pompidou avec sa commissaire Aurélie Verdier, tandis que l'épisode 2 sera, comme de coutume, un panorama de l'œuvre et de ses grands thèmes par la voix de Claudine Gramont, directrice du musée Matisse de Nice. Et aujourd'hui, il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant. Tout ce que nous voyons dans la vie courante subit plus ou moins la déformation qu'engendrent les habitudes acquises, et le fait est peut-être plus sensible en une époque comme la nôtre, où cinéma, publicité et magazine nous imposent quotidiennement un flot d'images toutes faites, qui sont un peu, dans l'ordre de la vision, ce qu'est le préjugé dans l'ordre de l'intelligence. L'effort nécessaire pour s'en dégager exige une sorte de courage. Et ce courage est indispensable à l'artiste qui doit voir toutes choses comme s'il les voyait pour la première fois. Il faut voir toute la vie comme lorsqu'on était enfant. Et la perte de cette possibilité vous enlève celle de vous exprimer de façon originale, c'est-à-dire personnelle. Pour prendre un exemple, je pense que rien n'est plus difficile à un vrai peintre que de peindre une rose. Parce que pour le faire, il lui faut d'abord oublier toutes les roses peintes. Aux visiteurs qui venaient me voir à Vence, j'ai souvent posé la question « Avez-vous vu les acanthes sur le talus qui borde la route ?» Personne ne les avait vues. Tous auraient reconnu la feuille d'acanthe sur un chapiteau corinthien, mais au naturel, le souvenir du chapiteau empêchait de voir l'acanthe. C'est un premier pas vers la création que de voir chaque chose dans sa vérité. Un extrait d'écrit et propos sur l'art de Matisse lu par Jean Negroni pour débuter cette semaine. Aujourd'hui, on va raconter la vie de Matisse en compagnie de l'historienne Daran Terry qui a rédigé une biographie critique du peintre dans le catalogue de l'exposition Matisse comme un roman. Bonjour à vous Anne Terry. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Matisse comme un roman, c'est vrai que la vie de Matisse, si elle n'est pas particulièrement spectaculaire, elle a cette caractéristique qu'elle surgit un petit peu d'où on ne l'attend pas, parce que c'est une vie qu'on associe au sud, à la lumière, à la couleur de la Côte d'Azur et même de Tahiti, on va le voir. Et en même temps, c'est une vie qui commence dans le nord, et donc sous un ciel logiquement un peu plus bas. Exactement, oui, c'est vrai que l'œuvre de Matisse s'est à la fois construite, on pourrait penser contre ce nord natal contre lequel il a dû s'extraire, contre lequel il a dû s'opposer, aller contre des parents qui n'avaient rien à faire, rien à voir avec l'art, qui étaient grainetiers. Un petit peu sa mère peut-être, non? Alors, on a essayé de voir à quel point sa mère avait été importante. La critique à essayer de faire dire à Matisse à quel point sa mère décorait des assiettes, qu'elle avait insisté pour avoir un petit département couleur dans le magasin. Dans le magasin. Et Matisse dit lui-même qu'elle avait un certain sens de la couleur, mais c'est vrai que ça s'est joué ailleurs. Ce qui s'est joué, l'importance du Nord, c'est plutôt l'importance des étoffes, l'importance des textiles, de l'industrie textile qui découvre là-bas. Et c'est ça qui va être absolument déterminant pour la suite. Est-ce qu'il l'a dit, est-ce qu'il en a un petit peu parlé de cela, peut-être des motifs imprimés, de l'aspect décoratif finalement de cette tissu. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez intéressant. Donc Matisse ne vient pas à la peinture tout de suite. Matisse a une formation de droit, il est d'abord clerc d'avoué. Et il y a ce moment un peu de révélation. Alors qu'il est malade, alors qu'il a une appendicite, qu'il est en pleine convalescence, et sa mère, pour le coup, on y revient, lui offre quand même une petite boîte de peinture. Et à partir de là, Matisse va découvrir ce milieu-là. Et alors même qu'il continue sa carrière de clerc d'avoué, va commencer à suivre des cours matin et soir, et à l'école Maurice Quentin de la Tour, où il s'intéresse justement, qui est une école qui s'intéresse au textile, et donc il expérimente vraiment cela. Et après, toute sa vie, il va collectionner des étoffes, collectionner des bouts de tissu, des tapisseries. Et c'est quelque chose qui va le marquer jusqu'à Nice et jusqu'à cet appartement qui ressemble justement à un petit théâtre miniature. Donc il y a un rapport aux arts décoratifs. Est-ce qu'on peut dire au design, par exemple ? Alors le design, je ne sais pas, mais c'est vrai que Matisse avait le goût. Design graphique, en tout cas. Hein. Oui. Oui, alors le design graphique, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Quand on voit, pour ceux qui auront la chance de voir l'exposition des couvertures pour Verve, par exemple, ou le travail qu'il a fait pour Cahier d'art, il avait un œil absolument sûr pour la composition d'une page. C'est une évidence, oui. Alors, qu'est-ce qu'on sait quand même de ces 20 premières années de Matisse ? Parce qu'au fond, il s'est assez peu confié. C'était un homme peut-être pas secret, mais enfin bon, peut-être pas volubile non plus. Alors, il s'est un petit peu confié à un moment, dans les années 20 surtout, et surtout en 25, pendant cette période niçoise, où, une période assez assez ambiguë, peut-être où on pense que Matisse n'est plus le grand peintre de l'avant-garde qu'il a été, et Matisse va donner, pendant cette période, et de manière assez intéressante, au début, au milieu et à la fin, trois interviews extrêmement intéressantes, dont un en 1925, où pour la première fois, il va raconter sa vie et il va vraiment mettre en place une sorte de récit autorisé sur sa constitution comme artiste, et donc revenir sur des moments absolument essentiels, son apprentissage à l'Académie Julian, sous la houlette de William Bouguereau, donc un apprentissage vraiment académique, vraiment traditionnel, puis sa découverte avec Gustave Moreau d'une certaine liberté individuelle qui va vraiment être un moment absolument fondateur pour lui. Oui. Alors revenons quand même sur quelques dates qu'on n'a pas données. La naissance 1869. Donc juste à la veille de la guerre de 1870. Exactement. Donc il naît un 31 décembre au Cateau Cambrésis. Il passe son enfance après à Bohain en Vermandois, donc pas très loin. Puis après, il déménage à Saint-Quentin avec sa famille. Donc, il va suivre sa scolarité là-bas. Et il va s'établir là-bas comme clerc d'avoué. Donc, il fait sa capacité en droit entre 1887 et 1888. Il ne va pas beaucoup parler de ce séjour parisien, sauf dans un discours adressé à sa ville natale en 1952. Mmh. Parce qu'il va revenir au Cateau Cambrésis pour inaugurer son musée, son premier musée. Et je crois qu'il a dit pendant ce discours qu'il n'était jamais allé au musée à Exactement. Paris pendant son premier séjour parisien. Exactement. C'est quand même assez incroyable, non ? Exactement. Il passe une année à Paris et il le raconte, je ne vais pas dire honteux, mais il raconte qu'effectivement, il n'a jamais mis les pieds au Louvre, qu'il n'est jamais rentré dans une galerie. Et c'est vrai que son apprentissage, enfin sa découverte de l'art, se fait vraiment après. Et se fait de manière en solitaire. Et comment on peut expliquer ça, d'après vous ? il avait besoin, je pense, de cette révélation d'abord, de lui-même se mettre à la peinture, de se confronter à la peinture avant de la regarder, je crois. Donc cette maladie, cette immobilisation a été finalement une grande chance pour lui. Exactement, et il y a quelque chose de très convenu de relier la vie des artistes à l'aune des désordres de leur corps. Mais l'œuvre de Matisse se lit vraiment comme ça. Il y a quelque chose de fondateur, un acte fondateur dans cet appendicite et dans cette convalescence, et un autre acte fondateur en 41, quand il se fait opérer et Matisse parle après d'une seconde vie. Et il y a effectivement une sorte de régénération de son œuvre à ce moment-là. Comment ses parents ont-ils réagi à cette décision d'arrêter le droit ? Alors Matisse raconte toujours que sa mère était d'accord, que sa mère l'a encouragé, mais que ça a été beaucoup plus dur pour son père. Il raconte que, voilà, dire à son père, je pars pour Paris, je vais tenter ma chance, je vais commencer comme artiste, c'était dire, finalement, tout ce pour quoi tu as travaillé ne sert à rien, et tout ce pour quoi tu m'as élevé ne me convient pas. Donc ça a été vraiment un acte pour aller contre sa famille. Il a quand même une petite bourse de la part de ses parents, pour l'aider un petit peu à vivre à Paris, mais il commence, en tout cas, dans une grande misère. Il y a de la rébellion chez Matisse ? Je ne sais pas s'il y a de la rébellion, en tout cas, il y a une certaine détermination. Voilà. Il y a 55 ans, j'ai fait ma première peinture. J'ai donc une certaine expérience de mon métier. Eh bien, si on me demandait quelle est la principale qualité pour un artiste, je répondrais sans hésiter, le travail assidu, sans lequel rien n'est possible, même pour un homme très doué. Monsieur, quelle est votre œuvre préférée ? En général, je préfère l'œuvre que je viens de terminer, parce que j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais dessus, et quand je l'ai déclaré terminé, c'est que vraiment je ne peux pas aller plus loin. Et parmi celles exposées au salon ? Alors, au salon, je préfère la nature morte rouge, et depuis plusieurs années même, c'est mon tableau préféré. Nature morte que j'ai appelée la nature morte au Magnolia. Alors là, je pense avoir donné le maximum de ma puissance. Quelle est la période de votre vie qui a été pour vous la plus agréable ? Ah, la purée. Celle où je ne vendais pas mes tableaux. Où j'étais tout seul à les aimer, sauf quelques-uns, mes amis. Alors là, j'aimais mes tableaux comme une mère aime ses enfants malheureux. Et puis, il n'avait pas d'importance, au fond, parce que c'était un jalon sur ma route. Et que c'était un peu comme un écrivain considère ses brouillons. Pas une fois qu'il a fait un brouillon, eh bien, ce brouillon est remplacé par celui qui succède. Une archive non datée de Matisse à la RTF. En réalité, Anne Théry, le bonheur pour Matisse, si on l'écoute bien, c'est de peindre. S'il ne pouvait faire que cela, peindre, ce serait sans doute parfait pour lui. Exactement. C'est vrai que cette idée du bonheur de Matisse, cette idée de Matisse, peintre du bonheur, lui colle vraiment à la peau. À partir des années 20, on voit vraiment Matisse comme un peintre du bonheur, un peintre hédoniste, un peintre de la couleur. Et pourtant, on peut vraiment relire Matisse différemment. On peut relire Matisse à l'aune d'une certaine inquiétude picturale, je trouve, qui est vraiment sensible dans son travail. Et c'est vrai que le bonheur, pour lui, c'est justement ce travail, c'est de parvenir à se dégager des événements du présent, des difficultés du présent par le travail, et de permettre au spectateur justement d'atteindre aussi cela avec lui. Oui, parce qu'il le dit qu'il est, quand il ne peint pas, ou même avant de découvrir qu'il pouvait peindre et passer ses journées à peindre, il dit qu'il était ennuyé et anxieux dans les différentes choses qu'on lui demandait de faire. Donc pour lui, c'est un calmant presque, la peinture. Oui, et ce terme de calmant est d'ailleurs assez fort, parce que c'est un terme que Matisse utilise lui-même en 1908 dans ses notes d'un peintre. Où il dit qu'il rêve d'un art qui soit un bon fauteuil, un calmant cérébral. Et c'est vrai que ce mot a souvent été interprété uniquement de ce point de vue comme en envisageant l'art finalement comme un lénifiant. Et c'est à la fois un calmant, mais c'est à la fois un stimulant aussi chez Matisse, un stimulant cérébral. Et c'est vraiment cette dialectique qui est intéressante, je pense, chez lui. Est-ce qu'on sait de quoi il voulait se calmer? Qu'est-ce qu'il voulait fuir? D'où venait son anxiété? Alors ça, je ne saurais pas répondre, mais c'est vrai que c'était un tempérament extrêmement anxieux, extrêmement nerveux. Et il pense lui-même que beaucoup de désordre de son corps venait de ce tempérament extrêmement nerveux et de quelque chose qu'il n'arrivait pas à apaiser. Et la peinture participe à ça. Il y a vraiment quelque chose de thérapeutique, en tout cas dans son art, pour lui-même, mais qu'il concevait aussi thérapeutique pour les autres, où il raconte que quand il allait voir un ami qui était malade, il pouvait lui laisser des tableaux autour de lui pour le soigner. Il y avait vraiment cette ambition-là. C'est la peinture comme méditation? Je ne sais pas, comme méditation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait une énergie qui devait circuler et qui devait participer, en tout cas, d'une régénérescence. Alors, quand il va à Paris, Anne Théry, il a juste en poche une lettre de recommandation d'un peintre local qui s'appelle Paul-Louis Couturier. Il s'inscrit à l'Académie Julian et ensuite, alors il ne devient pas immédiatement peintre célèbre, loin de là. C'est un processus qui est quand même très long. Non, c'est un processus qui est très long. Effectivement, il rentre dans cette Académie Julian qui est... Dans l'atelier spécifique de William Bouguereau et de Gabriel Ferrier, avec un enseignement extrêmement strict sur les conditions d'apprentissage du dessin. On commence par le dessin, on ne touche pas encore à la peinture. On copie d'après l'antique et pas encore d'après le modèle. Et ce qui est difficile pour Matisse, c'est qu'il se rend compte finalement qu'il doit apprendre un certain nombre de principes, les acquérir, les maîtriser, et ça y est, il sera un peintre. Or, ça ne fonctionne pas comme ça pour lui. Il lui manque vraiment un lien entre la main et le cœur. Il y a quelque chose qui ne passe pas dans cet enseignement. Et finalement, il n'y reste que quelques mois et il va trouver un salut certain dans l'atelier de Gustave Moreau. Mais même là encore, effectivement, c'est pas si simple que ça. Alors comment ça se passe avec Gustave Moreau, un peintre dont on peut d'ailleurs visiter le très beau musée à Paris? Vous pouvez nous rappeler un petit peu qui était Gustave Moreau? Oui, alors Gustave Moreau qui était une grande figure du symbolisme et qui est aussi très connu par son enseignement, puisqu'en fait sont passés dans son atelier beaucoup d'artistes de l'avant-garde, Matisse bien sûr, mais aussi Rouault, Camoin, Marquet, beaucoup de peintres comme ça qui ont marqué le XXe siècle. Et il avait cette capacité de continuer un enseignement académique, mais à la fois de permettre une certaine liberté à ses étudiants. Et Matisse dit, il a mis des points d'interrogation en nous. Il leur a appris le doute et finalement, ce qu'il a appris de plus important à Matisse, c'est, je crois, un retour critique. Apprendre à se remettre en cause incessamment, et c'est pour ça que ça n'a pas été si simple, justement. Parce qu'à chaque fois qu'il parvenait à quelque chose, il fallait qu'il abandonne, il fallait qu'il comprenne pourquoi il était arrivé là, et qu'il remette encore en jeu tout ce qu'il avait conquis, justement. D'autant plus qu'il a frappé à la porte des Beaux-Arts et qu'une première fois, il a été refusé. Exactement. C'est difficile à vivre pour lui, ça? Ça a été extrêmement difficile à vivre et c'est quelque chose qui le marque, parce que vous pouvez admirer au Cateau Cambrésis un dessin académique qu'il a fait de ses premières années d'apprentissage, où Matisse marque en 52, quand il fait la donation au musée, que ce dessin est un bon dessin. Donc il a gardé ce dessin avec lequel il a échoué et il le re-regarde en disant « Non, c'était un bon dessin ». Donc oui, c'est quelque chose pour lui qui a été dur, et je pense que c'est aussi pour ça que Matisse sera toujours soucieux des jeunes artistes, surtout à partir de 45, surtout quand il est reconnu comme un grand maître. Il sera toujours soucieux de rendre ce qui lui a été donné d'une certaine façon. Pourquoi écrit-il dans ses écrits qu'il a foncé dans le travail à cette époque tête baissée, avec un principe qu'il avait entendu toute sa vie, celui du « dépêche-toi » ? Il y a toujours eu chez lui une urgence, en tout cas, d'avancer vite et de travailler beaucoup. et d'essayer de parvenir par tous les moyens possibles. On connaît beaucoup Matisse peintre, mais il a aussi été sculpteur, graveur, dessinateur inlassable. Il y a toujours eu cette envie de parvenir à s'exprimer pleinement. Et c'est quelque chose pour lequel il a mobilisé tous les moyens possibles, mais avec en tout cas cette même urgence. Lorsque vous présentez à un enfant une photographie ou un dessin très élaboré représentant son père, sa mère, son grand-père, il n'est pas sûr qu'il la reconnaisse. Mais donnez-lui un simple ovale avec deux traits représentant les yeux, un trait pour le nez et une espèce de virgule pour la bouche, et tout de suite il dira « mais c'est papa ou c'est maman », n'est-ce pas ? Et c'est une chose que les primitifs, et il est à noter que Matisse a été le premier non seulement à acheter, mais à s'intéresser, à comprendre le sens profond de l'art nègre, n'est-ce pas ? Eh bien, Matisse a parfaitement compris cela, à savoir que il y a deux façons, si vous voulez, de procéder. Il y a la communion avec les êtres ou avec les choses, et il y a la communication d'informations. Plus vous donnez d'informations, plus vous mettez les choses, vous les noyez en quelque sorte, vous les éloignez de vous. Et de ce fait, il a été contraint de simplifier de plus en plus sa peinture, et c'est une très très longue marche avec des tours et des retours, puisqu'il ne faisait pas toujours de gaieté de cœur, il sortait, il ne faut pas l'oublier, de la tradition. Les premiers tableaux de l'exposition sont des copies de chefs-d'œuvre du Louvre. Eh bien, Matisse, dès 1896, obscurément, sans qu'il lui faut aller vers la simplification. D'ailleurs, c'est une des choses les plus frappantes. Son maître Gustave Moreau, après 2 ou 3 ans de présence de Matisse dans son atelier, lui a dit cette chose véritablement prophétique et qui est encore une fois un résumé de ce que fut la carrière de Matisse. Vous allez simplifier la peinture. Eh bien, on peut dire d'une certaine manière que si l'on voulait résumer les périodes de Matisse, c'est ça, n'est-ce pas ? C'est une longue marche vers la simplicité. La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, cette longue marche vers la simplicité dont parlait à l'instant le critique d'art Pierre Schneider dans une archive de 1971, eh ben, elle débute donc par sa première exposition, 1896, au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Évidemment, ça n'est pas du tout le Matisse que l'on a en tête. Non, tout à fait, c'est un Matisse beaucoup plus sombre, avec des tonalités qu'on lui connaît moins. Il se fait connaître en tout cas à ce salon avec un tableau important, la liseuse, une figure de dos. Qui est achetée par l'État. Exactement, qui est un des premiers achats par l'État et qui va être un succès certain pour Matisse puisque la peinture marche. Mais pour autant, Matisse ne va pas se contenter justement de ça. Il se rend compte qu'il pourrait continuer dans cette voie-là, qu'il a un certain succès, qu'une voie s'ouvre à lui dans ce type de peinture-là. Et pourtant, ça ne lui convient pas tout à fait. Et plusieurs années après, Matisse écrit dans un carnet en revenant à cette période en disant que ce succès ne lui était pas mérité. Il dit même que c'est le succès qui l'a fait réagir. Exactement. Et qu'il devait, comme s'il avait besoin vraiment de se comprendre, de comprendre ce que représentait son œuvre à ce moment-là, dans cette époque-là, par rapport aux autres artistes. Et donc, il y a eu vraiment un moment de rupture, et c'est ce que je disais tout à l'heure, dès lors qu'à un moment, il arrive à mettre quelque chose en place, il arrête et il recommence à un autre moment. Mmh. Et il dit aussi que, finalement, son motto serait de ne pas s'inquiéter de son voisin, de ne s'attacher qu'à ce qui l'intéresse et de favoriser la sincérité. Exactement, c'est une lettre qu'il écrit à un de ses camarades, Victor Roux-Champion, avec qui il part en Bretagne, donc premier voyage de Matisse, où il va mettre en place une sorte de distance critique et géographique à des points de blocage comme ça très stratégiques. C'est quelque chose qu'il va refaire systématiquement. Oui, on y reviendra. Il part 3 fois en Bretagne, il va partir comme ça en Algérie, au Maroc, à Tahiti. Mais en ce moment-là, en Bretagne, donc il part avec son camarade qui, lui, ne voit plus que par Gauguin a du mal à peindre. Et Matisse lui écrit 2 lettres, dont une très importante, celle que vous citez là, où Matisse commence déjà à se faire professeur C'est quelque chose aussi qui lui collera beaucoup à la peau. Mais on a l'impression qu'en fait, Matisse écrit tout autant pour Victor Rouchampion, pour l'aider à s'orienter dans son travail quand lui est un peu perdu, que pour lui-même, il y a une sorte d'engagement, puisque Matisse l'a dit, puisqu'il l'a écrit, il doit maintenant se tenir à cela. Et il dit être personnel et sincère avant toute chose. Et c'est vraiment un acte fort d'engagement dans sa démarche. Alors c'est peut-être un moment aussi de basculement artistique, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il avait jusque-là beaucoup regardé Maurice Quentin de La Tour, beaucoup appris des peintres du 18e. Et peut-être que c'est à ce moment-là que Cézanne va devenir une référence plus importante pour lui, Manet aussi, Renoir aussi. Donc il tourne peut-être son regard vers ses contemporains. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a le moment Cézanne est absolument essentiel. Et il découvre vraiment l'œuvre de Cézanne en 1895, lorsqu'il revient à Paris après son séjour. Il y a une grande exposition chez Ambroise Vollard, une grande exposition Cézanne, et il est notamment marqué par trois toiles de Cézanne, trois toiles de la série du jeune homme au gilet rouge, et c'est quelque chose qui, des années après, va continuer dans le souvenir, va continuer à le hanter, et il va revenir comme ça très fréquemment à Cézanne. Donc il découvre cette œuvre en 1895. En 1898, il fait l'acquisition d'un petit talisman, Trois baigneuses, qui est maintenant au Petit Palais, une toile qu'il va garder jusqu'en 1937. Et ce qui le fascine vraiment dans Cézanne, c'est finalement l'organisation du tableau de Cézanne. Le fait que c'est vraiment un tout indivisible, un espèce de bloc. Et Matisse voit comment Cézanne, à ce moment-là, peut lui servir pour finalement organiser ses sensations et maîtriser finalement cette spontanéité qu'il a, qui sait qu'il lui est indispensable, mais qu'il a encore du mal à mettre en forme et à organiser dans un tableau. Alors, on n'a pas parlé, Anne Théry, du fait qu'en 1894, il a une première fille, Marguerite. Exactement. Avec sa première compagne. Compagne, qu'on voyait sur la liseuse. Oui. Et puis, quatre ans plus tard, avec une autre femme. Exactement, avec Amélie, donc, qu'il épouse en 1898. Et il a deux enfants avec elle, Jean et Pierre, en 1899, puis en 1900. Donc Matisse se retrouve finalement assez vite, père de famille, père de trois enfants, et il aura toujours un sens des responsabilités extrêmement fort. Maintenant, il est chef de famille et il faut nourrir ses enfants. Et donc quand la peinture ne marche pas, sa femme, Amélie, ouvre une boutique de modiste. Quand ça marche pas, Matisse se met à travailler pour un décorateur pour des frises qu'il réalise au kilomètre avec Albert Marquet. Donc voilà, il y aura toujours cet engagement d'essayer de continuer malgré tout, avec parfois des moments de désespoir, mais en tout cas il continuera. Même si c'est un père et un mari peut-être assez distant. L'un de ses biographes l'avait qualifié d'égoïste aristocrate. Alors, je dirais pas... Il pense à son travail. Tout est orienté vers son travail. Mais la famille est absolument essentielle et absolument déterminante. Matisse ne serait jamais devenu Matisse sans sa famille, sans sa femme qui l'a soutenue vraiment dans toutes les épreuves et qui se révèle elle-même dans l'adversité, et sans ses enfants qui seront des soutiens constants pour la création de leur père, qui sa fille Marguerite va l'aider pour des tirages de gravures, pour organiser des ventes. Son fils Pierre devient galeriste à New York en 1925 et jouera un rôle de passeur absolument fondamental avec les États-Unis. Qui va faire que l'œuvre de Matisse est très connue aux États-Unis, entre autres, à un moment où elle n'est peut-être pas autant en France d'ailleurs. Tout à fait. Il y aura effectivement... Matisse s'impose peut-être ailleurs avant d'être reconnu pleinement en France, tout à fait. Mais en tout cas, tout tourne autour de son travail. Mais la famille reste absolument déterminante dans le fait que Matisse devient Matisse. Alors le voyage de noces, c'est d'abord Londres pour aller voir les Turner. Exactement, sur les conseils de Camille Pissarro. Et ensuite, c'est la Corse. Là, c'est une découverte de la lumière de la Méditerranée. C'est peut-être la première découverte de cette lumière-là pour Matisse. Tout à fait. C'est, ça, c'est vraiment sa première confrontation avec le Sud. Et on sait après l'importance que ça va avoir avec son déménagement à Nice. Et Matisse est absolument ébloui par la lumière de Corse, par la végétation qu'il découvre là et qu'il n'a jamais vue. Et ça va vraiment être un moment absolument essentiel dans son œuvre peinte, parce qu'il décide, il le dit lui-même, de faire que ce qui lui plaît. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire fi du cadre impressionniste et essayer de... Il y a vraiment une énergie créatrice qui déborde dans cette œuvre. Donc il s'inspire de l'impressionnisme sans être un impressionniste ? C'est que ça, c'est vraiment le... Il déborde du cadre impressionnisme. Il y a une énergie qui déborde complètement et il met en place, en tout cas dans ses œuvres corses, vraiment quelque chose de décoratif qui lui est absolument propre et que ses camarades ne reconnaîtront pas. Et un de ses camarades parlera de peinture épileptique quand il les voit. Lui qui faisait des peintures ordonnées, composées, ne le reconnaît plus. Et pourtant, c'est aussi vers cette époque-là, aux alentours de 1903, à Anteri, qu'on parle de sa période noire. Voilà, alors ça c'est plus tard, donc c'est vraiment longtemps après la Corse. Après la Corse, donc il revient, il a du mal à retrouver un atelier. Justement, Gustave Moreau est mort en 1898 et... Matisse cherche un atelier pour travailler, moins un maître à suivre que finalement un modèle autour duquel il peut travailler. Donc il va travailler comme ça dans plusieurs ateliers et les choses ne marchent pas. De 1900 à 1903, il a quelques expositions collectives, il expose dans des salons, mais les choses ne marchent pas. Et en 1903, c'est vraiment ce que Alfred Barr, donc le directeur du MoMA, appelle la période sombre. Il se réinstalle dans le Nord et Matisse envisage à un moment d'arrêter la peinture complètement parce qu'il faut quand même vivre avec 3 enfants et il essaye de mettre en place un syndicat pour qu'on puisse acheter ses peintures et la chose ne marche pas et finalement à un moment il réussit à avancer dans sa peinture et c'est reparti. Je l'ai connu en 1904 à Montmartre dans l'atelier de Picasso. Le bateau lavoir où peintres et poètes se rencontraient et s'influençaient tour à tour, comme a dit Picasso. Matisse, que je devais nommer le précurseur, nommant Picasso l'animateur et Derain le régulateur. Mais Matisse était sensiblement votre aîné. Matisse, oui, notre aîné, mais qui alors se prouvait si peu par la mine qu'il était notre aîné et qu'il paraissait tellement par sa gravité qui était de naissance. On écoutait beaucoup Matisse parlant volontiers. On retenait beaucoup de ses propos. Mais Matisse ne nous ressemblait pas. Il était grave. On a fait des blagues à Matisse, admiré, respecté. Et Matisse, heureusement, ne nous a pas soupçonnés parce que ça lui aurait fait de la peine quand nous écrivions sur les murs de Montmartre et qu'il y pouvait lire des choses comme « Matisse rend fou ». Matisse a fait plus de mal que l'alcool. On était jeunes. C'était pour rire. Mais Matisse, ce maître indiscutable, n'a jamais été aussi jeune que nous pûmes l'être. Mais comment expliquez-vous que cet homme grave, en effet, ait exprimé une telle joie de vivre dans sa peinture, puisque la joie de vivre est le nom d'une de ses plus célèbres compositions? Oui, cet homme grave a été le peintre éblouissant de la joie de vivre, toile fascinante, orphique, que je vis le grand artiste conduire triomphalement aux indépendants en créant ses ordres sévères à 4 porteurs portant ordinairement les pianos. Matisse avait inventé le volume coloré. Il n'y a pas si loin du volume coloré au cubisme. Compagnie des œuvres sur France Culture et le témoignage, les souvenirs d'André Salmon au micro de Georges Charansol dans un enregistrement de 1954. Anne Théry, ces blocs de couleurs qu'invente Matisse, c'est justement dans ces années-là, 1904-1905, cette carrière qui tout d'un coup repart sur de nouvelles bases, c'est ce que vous appelez l'événement fauve. Exactement. Alors, ça se passe vraiment, cet événement fauve se passe en deux temps. C'est vrai qu'il y a d'abord 1904, le voyage à Saint-Tropez, le fait que Matisse va côtoyer Paul Signac, donc ce grand peintre chef de file du néo-impressionnisme, le fait que Matisse va essayer, encore une fois, de se confronter à quelque chose d'autre et de mettre à l'épreuve finalement ses principes, la division de la touche, l'utilisation de couleurs pures. Et il y a ce tableau extrêmement célèbre qu'il réalise au retour à Paris, « Luxe, calme et volupté ». Qui est un peu pointilliste d'ailleurs. Exactement, où il utilise cette méthode, mais à bien y regarder, on se rend compte que ça ne marche pas complètement. Il y a vraiment une contradiction entre cette touche divisée, la délinéation des figures. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour Matisse. Mais Signac l'achète, c'est par hasard, ça ressemble un petit peu à la touche de Signac. Exactement, exactement. Et Signac voit comment Matisse pourrait continuer le néo-impressionnisme qui est alors attaqué de toutes parts. Et Matisse ne poursuit pas dans cette voie. Encore une fois, il met en place quelque chose qui l'arrête et il continue plus tard, ailleurs. Donc c'est vraiment ça l'événement fauve, c'est l'été 1905 quand Matisse part à Collioure, d'abord tout seul, puis il est rejoint par André Derain, et il va y avoir vraiment cette cordée où tous les deux, dans un moment vraiment de concentration plastique et théorique extrêmement important, vont essayer d'inventer un nouveau modèle de l'image. Et là c'est le bonheur de vivre, c'est cette toile là. Alors ça sera, c'est vraiment lié à ça, et on a vraiment vu le bonheur de vivre comme un manifeste du fauvisme, et c'est aussi toute une série de moulades qui montrent justement comment Matisse va composer maintenant par blocs de couleurs, comment la ligne n'en sert plus des contours, comment l'aplat ne délimite plus une surface, mais comment le tableau est entièrement construit par ces blocs de couleurs et ces blocs de lumière. Donc après le bonheur de vivre, il élargit encore son horizon, il voyage. Vous avez souligné tout à l'heure à Anne-Théry qu'il voyageait beaucoup quand il avait besoin aussi de réfléchir à quelque chose. Vous avez mentionné l'Algérie. Pour lui, l'Algérie, il y passe 15 jours, mais enfin, c'est tellement puissant qu'il ne peut même pas travailler. Il ne fait que s'imprégner, et notamment s'imprégner de la lumière. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est courant chez Matisse de ne pas pouvoir travailler en voyage. Matisse avait vraiment besoin d'un environnement qui l'organisait complètement pour pouvoir travailler, pour pouvoir peindre. Et donc l'Algérie, c'est uniquement 15 jours. Et il est absolument ébloui par la lumière, par le désert, qui pour lui est une expérience absolument fondamentale. Et ce qui retient finalement d'Algérie, c'est un certain nombre d'objets décoratifs qu'il va ramener après à Paris et qui vont venir peupler certaines de ses toiles. Il n'y a pas que la Méditerranée, il y a aussi Moscou, il y a aussi la Bavière. Bon, on le voit peut-être un peu moins dans ses toiles. Oui, l'Allemagne effectivement moins, mais Moscou, la question des icônes byzantines qu'il voit là-bas est absolument essentielle. Donc c'est moins le paysage à ce moment-là que l'art russe. Vraiment russe, et l'art des icônes où il trouve une simplicité qui va être absolument déterminante pour son œuvre. Monsieur Henri Matisse est à 39 ans un des chefs de ce groupe de peintres que ceux qu'ils effrayaient ont appelé les fauves. Il faut ajouter qu'on les juge parfois très difficilement. Ainsi, pour Monsieur Henri Matisse, tandis qu'un grand nombre de critiques trouvaient trop modéré le surnom de fauve, l'appelaient fauvissime ou bête féroce, M. Franz Jourdain, plus raisonnable sans être plus perspicace, se plaît à le comparer à Cabanel. Barbu, abritant derrière des lunettes d'or un regard plein de malice, M. Henri Matisse vit tantôt à Paris, tantôt à Collioure. Ce fauve est un raffiné. Il aime à s'entourer d'œuvres d'art anciennes et modernes, d'étoffes précieuses, de ces sculptures où les nègres de la Guinée, du Sénégal et du Gabon ont figuré avec une rare pureté leurs passions les plus paniques. Amphitryon aimable, aidé dans cette tâche par une épouse exquise qui, parce qu'il est le fauve, est devenue la fauvette, il traite souvent des amis. Sans être fastueuse, sa table est délicate. La bonne humeur et les jeux de trois enfants ajoutent encore au charme qui se dégage de l'intimité du maître cartésien. Vous avez reconnu, Anne Théry, ce texte d'Apollinaire qui était lu par Jean Bollery dans une archive de 1970. Il avait donné d'ailleurs un entretien à Apollinaire dans La Phalange. Il avait parlé de son éducation, de la recherche de sa personnalité, de ses influences. Il avait parlé de ses doutes finalement à Apollinaire. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose. Il s'est ouvert très facilement autour de ses doutes. Et Apollinaire est finalement un premier tremplin pour s'exprimer sur la scène artistique. Matisse, après, va beaucoup écrire, va beaucoup parler, mais les choses sont rendues possibles effectivement par Apollinaire qui, à un moment, l'approche. Il y a tout un jeu d'intérêt finalement aussi à s'approprier la parole de Matisse, à accueillir la parole de Matisse. Et Apollinaire vraiment se constitue en tant que critique également à partir de ce moment-là. Donc c'est au début de la Première Guerre mondiale et même peut-être un an avant, en 1913, l'Armory Show à New York aussi qui étend encore la notoriété de Matisse. Et puis après il y a les années 14-17. Je reprends ces deux bornes parce que c'est les vôtres. Anne Théry, vous les appelez ces années les années héroïques. Pour quelle raison ? C'est vraiment le moment où Matisse va se confronter à ces toiles les plus radicales, les plus audacieuses, où Matisse, à défaut de participer à l'effort de guerre en étant enrôlé dans l'armée, va vivre la peinture comme un front à part entière et va réaliser des toiles excessivement importantes, les Marocains qui sont au MoMA, les Demoiselles à la Rivière qui sont à Chicago, des toiles très radicales, de très grand format. Qui sont différentes, très différentes des toiles fauvistes par exemple. Complètement, les toiles fauves sont souvent des œuvres de format beaucoup plus restreint, des œuvres extrêmement vives, extrêmement lumineuses, avec un chromatisme vibrant. À partir des années 14, c'est le noir qui vraiment arrive dans l'œuvre de Matisse. Le noir qui n'est pas forcément un noir triste, qui est aussi un noir qui peut être extrêmement lumineux, un noir qui peut être extrêmement réflexif. Mais la palette, en tout cas, de Matisse change considérablement pendant ces années de guerre. Donc la guerre est là, mais elle n'est pas dans sa peinture. Je dirais pas ça. Je dirais que la peinture est un moyen de supporter la guerre. Matisse va vivre la guerre avec une culpabilité évidente. Il voulait vraiment participer à la guerre, il voulait aller au front. Cette culpabilité est d'autant plus vive que sa famille est derrière les lignes ennemies dans le nord de la France, que son fils Jean va devoir s'engager. Et voilà, la manière pour Matisse de résister à ces événements-là, de continuer, c'est justement de peindre. Donc il n'ignore pas la guerre, mais il y résiste et il la vit de cette façon-là. Donc c'est des années qui sont passées à Collioure jusqu'en 1917 où il retourne à Nice, ou même il va à Nice. Il va à Nice pour la première fois. Non, Collioure, c'était vraiment des séjours épisodiques. Donc il est entre Paris et Collioure pendant ces années-là alors. Il passe quelques mois à Collioure, mais il est surtout entre Paris et Issy-les-Moulineaux. Et à partir de 1917, en décembre 1917, Matisse va d'abord à Marseille et puis s'installe à Nice. Et il y a quelque chose d'assez fort dans ce mouvement géographique. Matisse est alors au sommet de son art, il est reconnu par tous les critiques, il est porté par les plus grands collectionneurs et il part seul s'installer dans un modeste hôtel de Nice. Et finalement, il va passer dans le sud le reste de sa vie. Matisse me semble avoir été, par une attention tout particulièrement bienveillante des puissances occultes qui peuvent avoir présidé à sa naissance, aussi nettement orientée au bonheur que l'aiguille d'une boussole a jamais pu l'être au nord. Si ce propos très ancien que l'on rapporte de lui est vrai, je voudrais vivre comme un moine dans une cellule, pourvu que j'aie de quoi peindre sans souci ni dérangement. C'est qu'il sentit de très bonne heure que le grand bonheur ne lui viendrait, ne pouvait lui venir que du travail. Mais il y a en plus la jouissance des sens devant la nature que cette phrase, prononcée lors d'une interview en parlant de son arrivée à Nice en 1917, exprime magnifiquement. Il pleuvait. Mais le lendemain, quand en ouvrant ma fenêtre, je pensais que j'allais avoir tous les jours cette lumière devant les yeux, je ne pouvais pas croire à mon bonheur. Or, la première condition du bonheur, qui est elle-même don primordial de nature et qui ne s'imite pas, c'est la volonté innée comme viscérale d'être heureux, la constance, la persévérance, ce que j'appelle précisément l'orientation au bonheur. Un passage de ce texte de Pierre Reverdy, lu par Jean Bollery. Un homme heureux, Matisse, on a déjà un petit peu répondu à cette question avec vous, Anne Théry. En tous les cas, il va vers des contrées qui semblent être un peu les contrées du bonheur, puisque en 1930, il part pour un voyage à Tahiti. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce moment tahitien dans sa vie d'homme et surtout dans sa vie d'artiste ? Oui, tout à fait. Donc, c'est encore une fois ce principe de mise à distance. De fuite. Je dirais retour critique, plus que fuite. Comme vous voulez. Mais en tout cas, ça fait suite à un moment de crise vraiment qui couve à partir de 1925, qui vraiment se cristallise en 28 quand son modèle de prédilection, Henriette, avec qui il a réalisé toute cette série des odalisques, part. Matisse arrive au bout de ce qu'il peut faire, de ce qu'il arrive à faire, et a besoin de renouveler son œuvre avec quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça va être la lumière que Matisse va trouver justement à Tahiti. Il faut se rendre compte du voyage que ça représente à l'époque, partir à Tahiti en bateau. Donc Matisse fait une première étape à New York. New York le bouleverse au plus haut point. Il est absolument ébloui par la lumière, par la géométrie, par l'énergie. Et il se dit, finalement, je pourrais rester ici, je pourrais ne jamais aller à Tahiti. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin ici. Et finalement, il continue le voyage. Il va à Tahiti, il y reste plusieurs mois. Est-ce qu'il cherche Gauguin à Tahiti ? Non, il ne cherche pas Gauguin. Alors, bien sûr que la figure de Gauguin est là, bien sûr que la figure de Gauguin est présente. Lorsqu'il aborde ce voyage, il la connaît. Matisse a eu dans sa collection un petit portrait de Gauguin. Durant cette période fauve qu'on évoquait, participé à tirer des bois de Gauguin de la série de Noah Noah. Il connaît très bien son œuvre, mais il ne le cherche pas. Ce qu'il cherche, c'est vraiment la lumière, une lumière particulière qu'il découvre là-bas. Et de la même façon qu'en Algérie, Matisse ne travaille pas, ou finalement travaille assez peu. Il peint une peinture, une petite pochade, dimension assez modeste. Il fait beaucoup de photographies. Et il réalise quelques dessins, et ce qu'il fait beaucoup, c'est d'écrire. Il écrit énormément à sa femme, à sa fille, à ses enfants, et on sent vraiment un dépaysement complet de la part de Matisse, où Matisse essaye justement de s'approprier cet environnement, essaye de nommer ce qu'il voit, essaye de rapprocher la végétation de celle qu'il connaît, de sculptures qu'il a pu composer, etc. Donc c'est un voyage qui est absolument déterminant pour l'autre espace, finalement, qu'il découvre là. Pour l'espace matissien ? Exactement. Oui. On peut s'arrêter aussi à New York, puisque c'est ce qu'il a fait après tout Matisse. Et puis, ce n'est pas sans intérêt, parce qu'il y a l'épisode de la danse qu'on peut peut-être raconter, Anne Théry. Exactement. Donc, en fait, cette année 1930 est extrêmement chargée pour Matisse. Donc, il y a ce premier voyage New York-Tahiti, deuxième voyage à New York. Et à la toute fin 1930, en décembre 1930, Matisse retourne encore aux États-Unis et fait la connaissance du docteur Barnes, qui a une grande fondation à Marion, à côté de Philadelphie, qui est un grand collectionneur d'œuvres de Matisse, entre autres, mais aussi de Seurat, de Soutine, de grandes figures de l'art moderne. Et le docteur Barnes lui passe une commande de réaliser une peinture décorative pour sa fondation. Donc Matisse retourne à Nice et loue rue des Iréniels un immense garage pour s'attaquer finalement à ce morceau d'ampleur. Matisse a beaucoup travaillé sur la peinture de chevalet, sur des peintures larges, mais là c'est quelque chose de complètement différent. C'est une peinture décorative qui est absolument immense et c'est un moment absolument essentiel parce que Matisse va mettre en œuvre pour la première fois sa technique de la gouache découpée. Mmh. Pour maîtriser cet espace, il a du mal à peindre, à dessiner, à s'emparer complètement de cette surface. Et donc, il va faire gouacher des papiers, puis les découper et les coller, les ajuster de manière à créer cette grande composition de la danse. Mais c'est encore un procédé. C'est pas encore une œuvre à part entière comme ça sera le cas plus tard. C'est vraiment un procédé de travail et que Barnes ne verra jamais et qui est uniquement, on va dire, maintenant connu par des photos et des films. Et après, donc, l'œuvre sera peinte avec des problèmes techniques puisque Matisse se rend compte au bout d'un an de travail qu'il y a une erreur dans le gabarit. Donc, il faut refaire une deuxième version. Puisque Matisse ne met pas à l'échelle. Il s'attaque à une nouvelle surface de manière nouvelle à chaque fois. Donc il refait une deuxième version de la danse et il retourne aux États-Unis en 1933 pour accrocher l'œuvre dans la fondation. Et c'est aussi un grand moment, il dit, c'est comme une cathédrale. Et il y a vraiment cette idée que maintenant, la peinture fait partie de cette architecture et cette espèce de tout indivisible qui cherchait dans le tableau, maintenant se met en œuvre dans l'espace et dans l'environnement. Et donc on comprend qu'il a été épuisé complètement par cet épisode de la danse. Vous avez raconté ensuite comment en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, il va subir une opération très grave. Il a déjà 72 ans et là c'est un vrai miraculé. Oui, oui, oui. Matisse dit qu'il a échappé à la mort à un poil de champ angora. Et voilà, c'est vraiment une opération extrêmement délicate, avec des complications. Il restera toujours marqué par cette opération. Mais il dit aussi qu'il a gagné une confiance nouvelle, qu'il a moins peur, qu'il y a quelque chose de nouveau à partir de ce moment-là. Et c'est vrai qu'il va très vite se remettre à dessiner avec une série qui s'intitule « Thème et variations » où il y a une liberté nouvelle, vraiment, qui se fait jour dans son travail à partir de ce moment-là. Il y a un nouveau modèle, c'est Monique Bourgeois, infirmière diplômée qui soigne Matisse de 1942 à 1943 et qui va poser pour un certain nombre de chefs-d'œuvre, notamment L'Idole ou Tabac Royal, qui va l'aider aussi à la préparation des gouaches pour jazz. Et alors c'est une assez belle histoire puisque cette personne, ce modèle, va rentrer au couvent des Dominicaines du Rosaire. Exactement, et devenir Sœur Jacques-Marie. Et être à l'origine finalement de cet aboutissement, selon le mot de Matisse, de la chapelle du Rosaire des Dominicaines. Donc, Sœur Jacques-Marie sollicite à un moment Matisse pour un vitrail qui doit être fait pour la chapelle, pour le couvent, et Matisse s'empare de ce projet vraiment et avec l'aide du père couturier, du frère Rassiguier qui sont également à ses côtés, va vraiment inventer et créer cette chapelle qui est une sorte d'œuvre totale. Avance. Avance. Et dont on va parler évidemment beaucoup toute cette semaine parce que c'est une œuvre majeure. On n'a pas dit quand même que pendant la période de la guerre, sa femme et sa fille ont été arrêtées par la Gestapo. Exactement. En avril-mai 1945, donc Amélie Matisse et Marguerite Matisse sont arrêtées pour faits de résistance. Son fils Jean était également dans la résistance. Et sa fille sera libérée par un hasard providentiel en janvier 45. Et c'est vraiment quelque chose qui va marquer Matisse au plus haut point. Et quand on parle de Matisse, ce peintre du bonheur qui est passé à côté de la guerre, qui est passé à côté des événements. C'est ignorer à quel point, justement, il a vécu cette guerre de manière extrêmement intime, extrêmement forte. Et il le dit à ses camarades qu'il travaille pour ne pas avoir à penser à ça. Et il meurt le 3 novembre 1954, assez âgé, à la suite donc de cette seconde vie qu'il s'est octroyée. Merci beaucoup Anne Théry, je rappelle que vous avez participé aux côtés d'Aurélie Verdier, qu'on rencontrera mercredi à l'exposition Matisse comme un roman au Centre Pompidou. Vous avez notamment rédigé la biographie critique du peintre dans le catalogue de l'exposition. Tout de suite la chronique, c'est en compagnie des revues. La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec aujourd'hui Guillaume Périlou, journaliste littéraire au magazine Têtu. Vous venez nous parler du roman inédit de Simone de Beauvoir qui vient de paraître. Il s'appelle Les Inséparables et il est publié par les éditions de Lerne. Alors c'est un court roman entamé en 1954 et consacré à la relation que Simone de Beauvoir entretenait avec Zaza, de son vrai nom Elisabeth Lacoing, sa meilleure amie de jeunesse. Zaza, une jeune femme morte à l'âge de 21 ans d'une encéphalite, c'était en 1929. Cette jeune femme, on la connaissait déjà, bien sûr, si on avait lu Les Mémoires d'une jeune fille rangée, paru en 1958, premier volet de l'œuvre autobiographique de Beauvoir. À la fin, celle-ci écrivait à propos de Zaza: ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. Les Inséparables fut donc écrit quelques années avant Les Mémoires et resta dans les tiroirs. Beauvoir le jugeait trop intime. C'est Sylvie Lebon de Beauvoir, sa fille adoptive et son exécutrice littéraire, qui décide aujourd'hui de le livrer au public. Alors, au cœur de ce roman, comme dans Les Mémoires et bien sûr comme dans l'œuvre entière de la philosophe, la condition des femmes. Des femmes cantonnées à s'adapter, des femmes, écrit Sylvie Lebon de Beauvoir, destinées à s'encastrer dans le moule préfabriqué où un alvéole vous attend parmi d'autres alvéoles. Ce qui déborde sera comprimé, écrasé, jeté comme déchet. Zaza a justement dû s'adapter, se tordre sous la religion et la répression d'une mère qui fut elle-même contrainte à un mariage qu'elle ne voulait pas. Zaza trop libre, trop mature, trop vivante, une jeune fille puis une jeune femme exceptionnelle dont la mort, on le sait, n'a cessé d'habiter Beauvoir, de la rendre coupable, mais au fond peut-être l'a-t-elle aussi obligée à faire de sa propre existence un exemple d'émancipation. On constate en effet dans ce texte combien l'attachement entre les deux femmes était fort, c'est même peut-être un sentiment amoureux qu'on lit chez Beauvoir. Oui, on imaginait Zaza comme l'amie de toujours et c'est évidemment ce qu'elle fut, mais c'était aussi de la part de Beauvoir une amitié teintée d'amour, une relation poreuse que Beauvoir lui révélera un soir de vacances. Écoutez par exemple cette conversation entre Sylvie et André, qui sont les patronymes de fiction de Simone et Elisabeth. « Il n'y a que Bernard au monde qui m'ait aimé pour moi-même, juste comme j'étais et parce que c'était moi, » dit André. « Et moi, alors, dis-je, les mots m'avaient échappé, j'étais révolté par tant d'injustices, la chaleur de l'alcool et mon indignation m'enhardissaient. J'avais envie de dire à André ces choses qu'on ne dit que dans les livres. » Dire à Elisabeth donc l'amour qu'elle lui porte, c'est ce qu'aurait voulu faire Beauvoir de sa vie, comme dans les livres, le seul espace de réelle liberté. Beauvoir écrit dans cet autre passage « Il n'y a pas que les études qui comptent dans l'existence, » dit André. « J'aurais voulu protester, non, il n'y a pas que les études, il y a vous aussi. » Je me disais avec détresse, dans les livres, les gens se font des déclarations d'amour, de haine, ils osent raconter ce qui leur passe dans le cœur. Pourquoi alors est-ce impossible dans la vie ? Simone l'amoureuse, ici, ne sert qu'à mettre Elisabeth en lumière. On ne connaît rien ou presque de la vie de Sylvie dans ce livre, son propre personnage qui s'efface face à celui d'André, face à Elisabeth Lacoing, donc, dont elle veut écrire le tombeau littéraire. Les Inséparables n'est d'ailleurs qu'une pierre de ce tombeau, puisque, selon le journal Le Figaro, quatre romans inédits et inachevés de Beauvoir, écrits dans les années 30, vont bientôt paraître. Ils seront rassemblés dans un seul volume. Quatre romans dont le personnage principal, encore et toujours, n'est autre que Zaza. Merci beaucoup Guillaume Périlou, à très bientôt. La Compagnie des Œuvres, c'est Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Cyrielle Weber, Laurence Genepin, Romain Billet et Jacques Hubert. Demain, pour parler de l'œuvre de Matisse, nous serons en compagnie de l'historienne de l'art Claudine Gramont, directrice du musée Matisse de Nice.